cette semaine à Assemblage Lucky. On parle du nouvel album de Mister Valeur, Golden Bombay. Évidemment, il y aura aussi les nouveautés CD, les sorties spectacles, la chronique CNX. Et une nouvelle capsule de Vidon là-dedans la question. C'est à Assemblage Lucky maintenant une fois semaine, jeudi 15h ou samedi 16h.